Chapitre 16e. L'ombre de la mort. Le docteur Donaldson vint le lendemain faire sa première visite à Mrs. Hale, et ses habitudes mystérieuses que Marguerite avait crues définitivement remplacées par l'intimité qui régnait entre elle et sa mère furent reprises à l'arrivée du docteur. Marguerite ne donnait pas facilement sa tendresse, mais quand elle aimait, c'était avec une passion mêlée d'un haut degré de jalousie, et lorsqu'elle se vit exclure de la chambre de la malade où Dixon fut admise, elle souffrit vivement de cette exclusion qui la blessait au cœur. Elle s'enferma dans la pièce voisine de celle où était sa mère, et la parcourut de long en large en attendant la sortie du docteur. De temps à autre, elle s'arrêtait pour écouter. Elle s'imagina qu'elle entendait gémir. Elle joignit les mains en retenant son haleine. C'était bien un gémissement qu'elle avait entendu. Puis, après quelques instants de silence, le mouvement des chaises et le bruit des voix annoncèrent que la consultation était finie. Dès qu'elle entendit ouvrir la porte, elle sortit vivement et courut à la rencontre du docteur. « Mon père n'est pas chez lui, » dit-elle à Mr. Donaldson. « Veuillez être assez bon pour venir avec moi dans son appartement. » Et triomphant de tous les obstacles que lui opposait Dixon, très surprise de lui voir revendiquer les droits que lui donnait son titre de fille, elle conduisit le docteur dans le cabinet de Mr. Hale. « Comment avez-vous trouvé ma mère ? » demanda-t-elle au médecin d'un air d'autorité. « Je tiens à connaître votre opinion tout entière, monsieur. Je suis le seul enfant. Que mes parents aient auprès d'eux, » ajouta-t-elle en hésitant. « Je crains que mon père ne se fasse illusion sur la santé de ma mère. S'il y a des motifs sérieux d'inquiétude, je dois nécessairement l'en avertir. Il faut en outre que je soigne notre chère malade. Soyez donc assez bon pour ne rien me cacher. L'expression que je vois sur votre figure m'effraie bien plus que ne pourraient le faire vos paroles. Madame, votre mère paraît avoir auprès d'elle, ma chère miss, une femme dévouée, attentive, qui est plutôt son amie que... Je suis sa fille, monsieur. Mais quand je vous aurais dit qu'elle m'a expressément défendu, chère miss, de vous parler de... C'est une défense à laquelle... Je ne suis pas assez patiente pour me soumettre. D'ailleurs, vous êtes trop sage, docteur, pour avoir promis à ma mère de lui garder le secret. Vous avez raison, dit Mr. Donaldson en souriant tristement. Je n'ai rien promis. On le saurait bientôt, du reste, alors même que je n'en parlerai pas. Marguerite pâlit. Mais à l'exception de ses lèvres qui se contractèrent légèrement, son visage demeura immobile. Le docteur Donaldson, avec cette pénétration rapide sans laquelle un médecin ne pourrait s'élever à une place éminente parmi ses confrères, vit immédiatement qu'il fallait tout apprendre à Marguerite, qu'elle saurait deviner s'il lui cachait le moindre détail, et qu'elle souffrirait beaucoup plus de ses réticences que de la vérité même. Après être resté silencieux pendant quelques minutes, il lui dit quelques mots à voix basse et l'examina avec attention. Car, aux premières paroles qu'il avait prononcées, Marguerite avait tressailli d'horreur. Ses pupilles s'étaient largement dilatées, ses joues et ses lèvres étaient devenues livides, et la respiration ne lui revint qu'après quelques instants. « Je vous remercie bien sincèrement, monsieur, » dit-elle enfin, quand elle lui recouvrait la voix. « Il y a bien des semaines que cette crainte assiégeait mon esprit. C'est affreux, ma pauvre mère. » Ses lèvres tremblèrent, et les larmes jaillirent de ses yeux. « Est-ce une maladie bien douloureuse ? » demanda-t-elle au docteur. « Cela dépend des constitutions, » répondit celui-ci en hochant la tête, « de mille choses imprévues. Mais les dernières découvertes de la science ont mis à notre disposition de grands moyens de soulagement. » « Mon père, » murmura Marguerite en frissonnant de tous ses membres. « Je ne connais pas, Mr. Hale, » reprit le docteur. « Il sera, je suppose, très difficile de l'avertir. N'en faites rien, Jermis, avant de vous être familiarisé vous-même avec la confidence à laquelle vous m'avez obligé. D'ici là, mes visites, que je renouvellerai de temps en temps, bien que je ne pense pas pouvoir faire autre chose que de soulager la malade, mille petites circonstances, en éveillant l'inquiétude de monsieur votre père, la prépareront à cette triste nouvelle et rendront votre tâche un peu moins douloureuse. « Allons, mon cher miss, allons, du courage. J'ai vu Mr. Thornton, il m'a tout dit. J'honore monsieur votre père pour le sacrifice qu'il a fait, bien qu'à mes yeux il ait commis une erreur. Je vous le dis une fois pour toutes. Comptez sur moi, et rappelez-vous que je viens ici en ami. Vous finirez par me considérer comme tel. On se connaît bien plus vite, et beaucoup mieux, lorsqu'on s'est vu dans de pareilles circonstances, qu'après avoir échangé des visites pendant plusieurs années. » Les larmes empêchèrent Marguerite de répondre au docteur, mais elle lui serra vivement la main. « Une femme superbe, quelle vigueur !» pensa Mr. Donaldson, quand, installé dans sa voiture, il put à loisir examiner sa main ornée de bagues, qui avait légèrement souffert de la pression de Marguerite. Croirait-on que des doigts aussi délicats puissent avoir la force d'un étau? Mais des proportions admirables, une harmonie parfaite. Cela donne aux membres une énorme puissance. Elle aurait fait une bien belle reine. Quelle autorité dans son regard lorsque, rejetant la tête en arrière, elle m'a ordonné de tout lui dire. Et quelle sérieuse ardeur lorsqu'elle s'est ensuite penchée en avant pour mieux entendre. Pauvre jeune fille. Je veillerai à ce qu'elle ne s'épuise pas. Mais ces créatures de race ont une énergie incroyable pour supporter la fatigue et la douleur. Elle a du courage jusque dans la moelle des os. Une autre, à sa place, n'aurait pas supporté l'émotion qui l'a rendue livide, sans attaque de nerfs et sans évanouissement. Ah, si j'avais 30 ans de moins. Comme il lui aurait fallu peu de temps pour s'emparer de mon cœur. Il est trop tard à présent. Ah, ça, nous voici chez les archers. Et le bon docteur descendit de sa voiture, plein de savoir, de réflexion, d'expérience, de pitié affectueuse pour ceux qu'il allait visiter, et tout aussi disposé à leur consacrer ses soins et ses lumières que s'ils étaient seuls au monde. Pendant ce temps-là, Marguerite s'était renfermée de nouveau dans le cabinet de Mr. Hale, afin de puiser dans son cœur assez de force pour remonter auprès de sa mère. « Mon Dieu, mais c'est horrible, » pensait-elle. « Comment supporter cela ? Une aussi affreuse maladie, et pas d'espoir. Oh, maman, maman, que je regrette d'être allée chez ma tante et d'avoir passé loin de vous tant d'années si précieuses. Pauvre mère, combien elle a dû souffrir. Oh, je vous en supplie, Seigneur, faites que ses souffrances ne soient pas trop cruelles. Comment aurais-je la force de les lui voir subir? Et le désespoir de mon père, je le lui cacherai encore, on le tuerait en le lui apprenant tout à coup. Mais je ne veux perdre aucun des instants qui nous restent. » Elle courut chez sa mère. Dixon n'y était pas. Mrs. Hale était allongée dans un fauteuil, un châle blanc drapé autour d'elle et coiffée d'un joli bonnet qu'elle avait mis pour recevoir la visite du docteur. Une nuance d'un rose pâle couvrait ses joues et la fatigue que lui avait causée la consultation précédente donnait à sa figure quelque chose de paisible. Sa fille fut surprise de la trouver aussi calme. « Qu'est-ce que tu as, Marguerite ?» lui demanda Mrs. Hale. « Tu as l'air toute bouleversée. » Puis, comprenant la scène qui avait pu avoir lieu, elle ajouta d'un ton où perçait la contrariété. « J'espère, enfant, que tu n'as pas questionné Mr. Donaldson, que tu ne l'as même pas vu. Il ne t'a rien dit, je suppose. » continua-t-elle en voyant que Marguerite ne lui répondait pas. « Si, maman, il m'a tout dit, au contraire. » C'est moi qui l'ai voulu, moi seul qu'il faut blâmer. » Elle s'agenouilla auprès de sa mère et lui prit la main qu'elle couvrit de larmes et de baisers. « Tu as eu tort, Marguerite, » reprit la malade. « Tu savais que je ne voulais pas qu'on t'en parlât. » Mais abandonnant à sa fille la main qu'elle avait essayé de lui retirer, elle finit par presser doucement à son tour les doigts qui tenaient les siens. « Oh, maman, laissez-moi vous soigner, » dit Marguerite, encouragée par cette caresse. « Dixon m'apprendra ce qu'il faudra faire. Je suis votre enfant, et c'est à moi qu'il appartient de faire tout ce qu'il faut pour vous. »« Tu ne sais pas ce que tu demandes, » répondit sa mère en tressaillant. « Si, je le sais, maman chérie. Laissez-moi vous soigner. Permettez au moins que j'essaie. Personne n'y apportera plus de tendresse et de courage, et ce sera pour moi une si grande consolation. »« Pauvre enfant. Eh bien oui, tu essaieras. Mais vois-tu, nous pensions, Dixon et moi, que tu me fuirais si... Dixon ne m'a pas fait l'honneur de me croire autant d'amour et de dévouement pour vous qu'elle en a elle-même, » reprit Marguerite avec hauteur. Pense-t-elle donc que je sois une de ces femmes au cœur faible, qui ne savent que s'étendre sur un lit de rose et se faire éventer par leurs esclaves? Je vous en prie, chère maman, ne permettez plus à Dixon de se placer entre vous et moi, je vous en supplie. » Ne te fâche pas contre elle, dit Mrs. Hale d'un air inquiet. Non, maman, soyez tranquille, je serai douce et patiente avec Dixon. Je lui demanderai de m'apprendre à vous soigner. Mais vous me donnerez la première place auprès de vous, n'est-ce pas, mère? Quand j'étais chez ma tante, j'ai pleuré tant de fois des nuits entières en pensant que vous m'oublieriez. Et moi, Marguerite, que deux fois je me suis demandé comment tu supporterais notre pauvreté après tout le luxe dont tu étais entourée à Londres. C'est au point que j'étais plus confuse de te laisser voir nos petites ruses de ménage lorsque tu es arrivée à Hailstone que si un étranger même s'en était aperçu. Oh, maman, elles m'ont tant amusée. J'y trouvais bien autrement de plaisir qu'à tout le brocantage qu'on faisait chez ma tante. Les tablettes des garde-robes garnies de poignées transformées en plateaux d'apparat dans les grandes occasions. Les vieilles caisses à thé rembourrées de crins et servant d'ottomanes. Je trouve au contraire que vos ruses de ménage, comme vous voulez bien les appeler, formaient l'un des charmes de la vie de Hailstone. Je ne le reverrai jamais, ce cher Hailstone, dit Mrs. Hale, dont les yeux s'emplirent de larmes. À l'époque où j'étais là-bas, je ne songeais qu'à en sortir. Il n'était pas d'endroit qui ne me parût plus agréable, et maintenant que je le regrette, je suis condamné à mourir sans le revoir. Je suis justement puni, Marguerite. Ne parlez pas ainsi, maman, répliqua la jeune fille avec impatience. Le médecin a dit que vous pouviez vivre longtemps encore et nous retournerons à Hailstone, mère chérie. Non, mon enfant, jamais. Je l'accepte comme une juste punition. Mais ton frère, Marguerite, ton frère. Cette pensée triomphait de sa fatigue et de son courage. Des sanglots déchirants, des cris passionnés s'échappèrent de sa poitrine. Frédéric, viens donc, disait la pauvre mère. Frédéric, je vais mourir et je veux te revoir, toi, mon fils, mon premier-né. Elle tomba dans de violentes convulsions et Marguerite, dans son effroi, courut appeler Dixon. La vieille bonne arriva tout essoufflée, accusant Marguerite d'avoir surexcité sa mère. La jeune fille supporta sans se plaindre la mauvaise humeur de Dixon, faisant, en dépit de ses alarmes exagérées, tout ce que lui disait la vieille femme, que cette douceur ne manqua pas d'attendrir. Elles couchèrent la malade, et Marguerite resta auprès du lit de sa mère jusqu'au moment où celle-ci fut endormie. C'est alors que Dixon, qui l'attendait à la porte de la chambre, la conduisit au salon et d'un air toujours irrité, lui ordonna de boire une tasse de café qu'elle lui avait préparée. « Vous n'auriez pas dû être si curieuse, miss, » lui dit-elle. « Vous n'aviez pas besoin de vous désoler avant le temps. Ça serait venu bien assez tôt. Puis vous allez le dire à monsieur, je suppose. Une jolie maisonnée que je vais avoir avec vous tous. » « Non, » répondit Marguerite. « Je ne le dirai pas à mon père. Il ne le supporterait pas comme moi. » Et pour preuve de la manière dont elle le supportait, la pauvre fille éclata en sanglots. « Que je savais bien ce qui arriverait, » dit la vieille bonne. « Vous allez la réveiller maintenant qu'elle dort d'un sommeil si tranquille. Voyons, Miss Marguerite, chère miss, j'ai bien gardé ça pour moi pendant des semaines et des semaines. Et quoique je ne prétende pas l'aimer autant que vous, jamais pourtant ni homme, ni femme, ni enfant, excepté maître Frédéric, ne m'a été de rien auprès d'elle. Voyez-vous, depuis le jour que la femme de chambre de Lady Burstford me fit entrer pour la voir tant habillée de crêpe blanc avec des épis et des coquelicots dans les cheveux, que je me suis enfoncé une aiguille dans le doigt en courant pour la voir, que l'aiguille s'est cassée, qu'ils m'ont coupé toute la chair pour l'en retirer, qu'elle a déchiré son mouchoir brodé pour me mettre autour et qu'en revenant du bal, où elle avait été la plus jolie de toutes les ladies, elle est montée pour mouiller les bandages avec la lotion. Je n'ai jamais au monde aimé personne autant qu'elle. Je ne croyais pas vivre assez longtemps pour la voir aussi bas, pauvre chère âme. Je ne voudrais pas vous faire de tort, Miss Marguerite. Il y en a plus d'un qui vous trouve jolie femme, et pourquoi pas? Même ici, où il y a tant de fumée que chacun y devient aveugle, les hiboux peuvent le voir. Mais vous ne serez jamais aussi belle que votre mère l'a été, Miss Marguerite, jamais, quand vous verriez plus de 100 ans. Elle est toujours jolie, pauvre maman. N'allez pas vous remettre à pleurer, miss. À la fin, je ne pourrai plus y tenir, dit la pauvre Dixon avec des larmes dans la voix. Si monsieur rentre et vous questionne, vous ne pourrez jamais lui répondre. Sortez un peu, allez faire un tour de promenade, et refaites-vous une figure pour quand vous rentrerez. Que de fois j'ai eu bonne envie d'aller prendre l'air pour chasser tout ça de ma tête pendant quelques instants, afin de lui montrer meilleur visage. Cher Dixon, qu'il m'est arrivé souvent d'être injuste à votre égard, ne sachant pas quel horrible secret vous aviez à garder. Y pensez-vous, enfant ? J'aime à vous voir, au contraire, vous emporter un peu. C'est le bon vieux sang de Beresford qui se remue dans vos veines. Le dernier Sir John envoyait 2 coups de fusil à son intendant, parce que celui-ci disait qu'il pressurait les tenanciers, jusqu'au moment où il ne leur resterait pas plus d'argent que de poilins cailloux. Soyez tranquille, Dixon, je ne vous tirerai pas de coups de fusil, et je tâcherai de n'être plus impatiente à votre égard. Vous ne l'avez jamais été. Si je l'ai dit par hasard, c'est à moi-même, histoire de faire un bout de conversation agréable. Il n'y a personne ici avec qui l'on puisse causer. Quand vous vous enflammez tout à coup, vous êtes tout le portrait de Maître Frédéric, si bien qu'un de ces jours, il m'arrivera de vous mettre en colère tout exprès, pour voir ses yeux lancer des éclairs au milieu des nuages qui sont sur votre figure, comme ils étaient sur la sienne. Mais partez, miss, partez. J'aurai l'œil sur madame. Et quant à monsieur, vous savez que ses livres lui seront une compagnie s'il venait à rentrer. Marguerite resta encore un instant, comme si elle eût balancé entre la crainte et l'irrésolution, puis, se précipitant vers la vieille bonne, elle l'embrassa tout à coup et sortit du salon en toute hâte. « Bonté divine !» murmura Dixon quand Marguerite fut partie. « Elle est aussi douce qu'une amande. Il y a 3 personnes que j'aime, madame, maître Frédéric et puis elle. Eux 3, et c'est tout. On peut bien pendre les autres si l'on veut, car je ne sais pas ce qu'ils font au monde. Monsieur est né sans doute pour épouser madame. Si j'étais sûr qu'il l'aime convenablement, je finirais peut-être par m'attacher à lui avec le temps. Mais il aurait pu faire autre chose que ça pour elle, et n'être pas toujours fourré dans ses livres à lire et à penser. Où cela l'a-t-il conduit? Il y en a d'autres qui n'ont jamais rien lu et qui sont aujourd'hui recteurs, doyens, tout au monde. Et monsieur y serait arrivé plus tôt qu'eux s'il avait pensé davantage à madame, au lieu de se fatiguer à réfléchir à je ne sais quoi. La voilà partie, dit-elle en regardant par la fenêtre au moment où elle venait d'entendre fermer la porte de la rue. Pauvre jeune lady, comme sa toilette a l'air minable en comparaison de ce qu'elle était quand elle est arrivée à Hailstone il y a 1 an. Elle n'avait pas alors dans toute sa garde-robe une seule paire de bas raccommodés, ni une paire de gants nettoyés, tandis qu'à présent,